ces connards bien coiffés que je fume bien entendu. Je hais tous ces trous du cul. Je les hais, je les hais. Puis il y a aussi les taxis, les autobus, les voitures, les vélos et les piétons. J'emmerde toutes ces têtes de cons. Je les hais, je les hais. Moi je hais la terre entière, je la hais. Vous croyez pas privilégié, car vous aussi je vous hais. Je vous hais, je vous hais. Je crache à la gueule de la société et je chie sur les églises. Je ne parle même pas des curés ni des belles à de la télé. Je hais la terre entière. Je la hais, je la hais. Je hais les punk rebelles plus que vous les haïssez. Je les hais, je les hais. Je hais ce studio, les gens qui sont à l'intérieur et les gens qui sont à l'extérieur. Je les hais, je les hais. Je hais le flipper, même si les gratuits claquent.